بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant la lecture d'un épître très important d'Ibn Aqil rahimahullah sur le comportement. Quelques chapitres concernant les bonnes mœurs. On est arrivé donc au deuxième chapitre qu'il y a dans ce livre, l'auteur qui nous dit Faslun wal musafahatu mustahabbatun bayna ar-rajulayn. Et donc chapitre, et certes le fait de se serrer la main est recommandé entre deux hommes. Le fait de se serrer la main est recommandé entre deux hommes. Et donc pareillement, barakallahu fikum, cela va être recommandé aussi entre deux femmes. Lorsque deux femmes se rencontrent, il est aussi recommandé donc qu'elles se serrent la main. Et il est aussi recommandé, barakallahu fikum, à ne pas oublier de se sourire mutuellement. L'imam Muslim rahimahullah, il cite dans son sahih d'après Abu Dharr radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne méprisez rien, ne méprisez aucune bonne œuvre, ne méprisez aucune bonne action. Même si c'est le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, ceci est une bonne action. Et d'ailleurs, le contraire, le fait de rencontrer ton frère avec un visage fermé peut être la cause que ton frère fuit. Parfois, beaucoup de personnes qui te disent « Ah, j'ai été dans telle mosquée ou tel endroit, les gens, tu leur passes le salam, il n'y a personne qui sourit, etc. etc. » Et donc, les gens, ils font beaucoup attention à cela, la façon dont on va les accueillir. Et c'est important que les gens de la sunna soient un exemple en cela. Car justement, ce sont eux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont eux qui sont plus en droit d'appliquer les sunnan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Daoud, il nous cite dans son sahih, dans son sunnan, d'après Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ma min muslimayn yaltaqiyan فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. Et donc, il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent et se serrent la main sans que le pardon leur soit accordé avant qu'ils se séparent. Il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent et se serrent la main sans que le pardon ne leur soit accordé avant leur séparation. Attention, barakallahu fikum, j'attire votre attention sur une habitude que des gens prennent dans les mosquées. Lorsque certains vont finir la salat, ils finissent la salat et ensuite ils passent le salam aux gens qui sont à sa droite, à sa gauche. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, il nous dit concernant ce sujet que le salam, tu le passes lorsque tu rentres dans la mosquée. Tu rentres dans la mosquée, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même in muslimayn yaltaqiyan. Il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent. Et donc c'est quand tu rentres dans la mosquée que tu rencontres ton frère. C'est pas après la salat. On s'est déjà rencontrés. Et donc tu rentres dans la mosquée, tu passes le salam, tu te mets dans un rang, il y a un frère à côté de toi, tu passes le salam à tes frères, etc. Par contre, après la salat, non. Le cheikh, il nous dit, après la salat, c'est une bid'ah. C'est une innovation que les gens se passent le salam après la salat. alors qu'ils se sont déjà salués avant. Le cheikh, il nous dit par contre, si tu n'as pas encore salué ton frère avant la salat, c'est-à-dire par exemple, tu arrives en plein milieu de salat, les gens sont déjà en train de prier, toi tu arrives dans les rangs, tu rentres, Allahu Akbar, et tu rejoins tes frères. Ensuite, après la salat, donc ton frère, tu as envie de le saluer, là le cheikh il dit, il n'y a pas de mal. Le cheikh il dit, il n'y a pas de mal. Parce que tu ne l'as pas encore rencontré auparavant. Mais maintenant, le fait de se passer le salam avant la salat et après la salat, ça, il n'y a, barakallahu fikoum, aucun texte qui le montre. Et ceci est une bid'a, une innovation. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الشَّوَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثِيرُ الشَّهْوَةِ. Il nous dit, rahimahullah, et donc il n'est pas permis de serrer la main aux femmes, aux jeunes femmes. Il n'est pas permis de serrer la main aux jeunes femmes, car ceci va éveiller la shahwa, les tentations. Ceci va éveiller les tentations. Premièrement, barakallahu fikoum, on comprend de la parole de l'auteur que les femmes qui ne sont pas jeunes, les femmes qui ont déjà un certain âge, on peut leur serrer la main. Et bien entendu, ceci est une erreur, car il n'est pas permis de serrer la main à la femme étrangère, qu'elle soit jeune ou âgée. Cela n'est pas permis. Comme on peut le constater dans le hadith de Aïcha, Aïcha radhiallahu anha, qui nous dit, Mais massa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yada imra'atin qattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a touché la main d'aucune femme. C'est-à-dire, il n'a touché la main d'aucune femme étrangère. Comme cela a été rapporté dans le sahih de l'imam Muslim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, les femmes qui venaient justement pour porter allégeance, donc les gens se serraient la main. Les gens se serraient la main. Lorsque des femmes voulaient serrer la main au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, Inni la usafihu nisa. Je ne serre pas la main aux femmes. Je ne serre pas la main aux femmes. Et ce n'est pas par manque de respect envers les femmes, comme certains cherchent à le montrer aujourd'hui, que si tu ne serres pas la main d'une femme, c'est parce que tu la dévalorises, etc., etc. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que nous sommes faibles, que l'homme doit admettre sa faiblesse et le fait qu'il est pris par des tentations, et donc s'éloigner de toute forme de tentation, tout simplement. Et donc, ce n'est pas pour dévaloriser la femme. Et parfois, certains vont avoir une gêne, une très mauvaise gêne, très mauvaise gêne. Ils vont être gênés quant au fait de dire à une femme, je ne vous serre pas la main. Parce qu'ils ne veulent pas brusquer cette femme, ils ne veulent pas la déranger. Ou ils ont honte. Et pourtant, nous devons nous rappeler la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yastahiyuna minan nasi wa la yastahiyuna min Allah. Ils sont gênés des gens, mais ne sont pas gênés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important qu'on dise aux gens la vérité. Et bien entendu, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. D'expliquer à la personne, etc. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wala ba'sa bil mu'anaqa wa taqbil ar-ra'si wal yadi liman yakunu min ahli ad-dini aw al-ilmi aw kibr as-sin fi l'islam. Et il n'y a pas de mal à serrer la personne, à prendre la personne dans les bras, ou alors le fait d'embrasser la tête ou la main de celui qui est connu pour sa religiosité, pour sa science, ou qui a un certain âge dans l'islam. Et donc le fait de se serrer la main, barakallahu fikoum, ou excusez-moi, là on n'est plus dans le fait de se serrer la main, le fait de se prendre dans les bras. Cela aussi se fait lorsque on est en voyage, ou lorsqu'on revient de voyage. Donc, comme cela a été rapporté de Anas, radiallahu anhu, qui nous dit qu'un ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha talaqaw tasafahu, wa idha ja'u min safarin ta'anaku. Donc, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se rencontraient, se serraient les mains. Mais par contre, lorsqu'ils revenaient de voyage, ils se prenaient dans les bras. Lorsqu'ils revenaient de voyage, ils se prenaient dans les bras. Et donc cela aussi fait partie de la sunna et du bon comportement lorsqu'on rentre de voyage, qu'on se serre dans les bras, qu'on montre cette fraternité et cet amour qu'il y a entre nous, barakallahu fikum. Et par contre, le fait donc d'embrasser la tête, d'embrasser la main, cela, ce n'est pas pour tout le monde. L'enfant va le faire pour son père. L'enfant va le faire pour son père. Par respect pour cet homme, par respect pour lui-même, il va aussi le faire pour sa mère. Et aussi l'élève pour son enseignant, par respect pour cette personne qui s'efforce de lui montrer les voies menant au paradis, etc., etc. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء. Et donc c'est le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala. L'auteur qui nous dit, il est recommandé de se lever pour le gouverneur qui est juste, ainsi que pour les deux parents, pour les gens qui sont connus pour leur religiosité et donc le fait qu'ils délaissent tout ce qui ne leur est pas profitable, des gens qui sont connus pour leur science, pour leur générosité, pour leur affiliation, les gens qui ont un certain rang, mais cela n'est pas recommandé pour les autres. Donc le fait de se lever pour saluer cette personne. Et donc ça, c'est un sujet, barakallahu fikoum, c'est un sujet de débat. C'est un sujet de débat. Et il y a des textes qui montrent l'interdiction. Par exemple, on a dans Jami' al-Tirmidhi, d'après Mu'awiya radiallahu anhu, qui dit que Abdullah ibn Zubayr ainsi que ibn Safwan, lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont levés. Abdullah ibn Zubayr, le neveu de Aïcha, ainsi que Ibn Safwan, les deux se sont levés. Alors là, Mu'awiyah leur a dit, Ijlisa, asseyez-vous. Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man sarrahu an yatamassal lahu ar-rijalu qiyama, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui aime que les gens se tiennent debout pour lui alors qu'il prépare sa place dans le feu. Alors qu'il prépare sa place dans le feu. Et donc, comme je disais, barakallahu fikoum, ça c'est un sujet de débat. Il y a certains savants, ou du moins, il y a certains textes qui montrent l'interdiction, comme celui-ci, et d'autres textes qui vont montrer la permission. Comme on va voir, bi'idhnillah, dans Sahihayn, al-Bukhari et Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit aux Ansar, lorsque Sa'ad est arrivé, il leur a dit, Qumu ila sayyidikum. Levez-vous vers votre leader. Qumu ila sayyidikum. Donc levez-vous vers votre leader. Cela montre que c'est permis, même que c'est recommandé. On va aussi avoir dans l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Il dit Ka'b, « Dakhaltu al-masjid » Ça, c'est donc après son repentir, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a montré qu'il avait accepté le repentir de Ka'b et de ses deux compagnons. Il dit dakhaltu al-masjid fa idha bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis rentré dans la mosquée et c'est alors qu'il y avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa qama ilayya Talha ibn Ubaydillah yuharwilu hatta safahani wa hana'ani. Et c'est alors que Talha ibn Ubaydillah, il s'est levé et a marché vite jusqu'à ce qu'il vienne vers moi et qu'il me serre la main et qu'il me félicite. Il me félicite par rapport à se repentir. Et donc, quel est le bon comportement à avoir lorsqu'il y a une personne qui arrive? Est-ce qu'on doit se lever pour la personne, pour accueillir la personne? Ou alors non, est-ce que cela est interdit ou détestable? Quel est le bon comportement à avoir? Et donc, premièrement, il y a des savants qui ont rassemblé les textes qui montrent que cela est interdit et les textes qui montrent que cela est permis. Et ils vont dire que, donc les textes qui montrent l'interdiction, on va les appliquer pour celui qui aime que les gens se tiennent debout pour lui. Il aime cela. Alors lui, qu'il prépare sa place en enfer. Parce que ça le valorise, etc. Ça le met en valeur. Et donc certains savants vont nous dire que l'interdiction, elle concerne celui qui aime cela. Il aime que les gens se lèvent pour le saluer. D'autres savants, ils nous disent que ce qui va être interdit, c'est d'appliquer la sunna des étrangers. D'appliquer la sunna des étrangers. Ce qui est voulu par les étrangers, ce sont donc les non-musulmans. Parce qu'il était connu à l'époque, barakallahu fikoum, que lorsque les non-musulmans, ils allaient voir les rois, les empereurs, etc., eh bien le roi ou autre, toute personne qui va être respectée, va être sur son trône ou sur sa chaise et les autres le saluent en étant debout. Et donc le roi, la personne qui est valorisée, est assise et ceux qui donc saluent cette personne qui est valorisée doivent être debout, ne restent pas assises. Et ça, c'était connu donc dans les méthodes utilisées par les non-musulmans à l'époque. Et donc les savants, ils nous disent, certains savants nous disent que l'interdiction concerne cela, le fait de ressembler ou d'appliquer les pratiques des non-musulmans dans la salutation. Et d'autres savants vont dire que ce qui va être interdit, c'est le fait de se lever pour vénérer une personne. Le fait de se lever pour vénérer une personne, par vénération pour une personne, c'est ce qui va être interdit. Et donc, barakallahu fikoum, on fait la différence entre trois éléments. On fait la différence entre le fait de se lever, donc, comme cela est cité dans les textes, al-qiyamu ala rajuli. Al-qiyamu ala rajul, c'est le fait de se lever alors que l'individu est assis. Ici, on parle de la méthode utilisée par les non-musulmans à l'époque. Et donc, on fait la différence entre cette pratique, ainsi que la différence entre al-qiyamu lahu tarziman, le fait de se lever pour la personne par vénération. Et donc, ça aussi, c'est interdit. Par contre, al-qiyamu ilayhi, le fait de se lever vers la personne, se lever pour aller vers la personne, pour saluer la personne, alors cela, il n'y a pas de mal, insha'Allah ta'ala. Et donc les savants, ils nous disent qu'en réalité, l'interdiction, elle va être liée à l'intention. L'interdiction, elle va être liée à l'intention, insha'Allah ta'ala. Et donc voilà pour aujourd'hui, et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à aborder un autre sujet que la salutation, puisque là, ça fait donc les deux premiers chapitres concernaient de manière spécifique la salutation, que ce soit le salam, le fait de se serrer les mains, le fait de se prendre dans les bras, etc., et le fait de se lever. Et le chapitre d'après, biznillah ta'ala, le comportement concernant les secrets, concernant le fait de connaître certaines choses concernant nos frères, etc. Tout ça, on verra ça à partir de la semaine prochaine. Biznillah ta'ala, waffaqallahu al-jami' لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.